la fin du verset qui apparaît ici comme quelque chose qui est une confirmation de ce que le prophète ﷺ est venu dire à le Quraysh. La ilaha illahu, il n'y a de Dieu que lui. Il est l'unique, il est tout, il n'y a rien d'autre que celui qui a tout créé.